Les yeux de l'âme. Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupent la même chambre d'hôpital. L'un est obligé de passer ses journées couché sur le dos. L'autre peut se relever et s'asseoir sur son lit une heure par jour pour évacuer les sécrétions de ses poumons. Les deux malades parlent des heures et des heures de leur femme et de leur famille. Ils parlent de leur maison, de leur travail et de tous les endroits où ils sont allés en vacances. Et chaque après-midi, lorsque l'homme dont le lit est près de la fenêtre peut s'asseoir une heure, il passe cette heure-là à décrire à son compagnon d'infortune tout ce qu'il voit dehors. L'homme, qui doit rester toute la journée au lit, attend avec impatience cette heure où son ami lui raconte tout ce qu'il voit à l'extérieur. Pendant cette heure-là, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à lui. Il ne vit pratiquement plus que pour ces moments où son camarade de chambre lui raconte le monde. La chambre donne sur un parc avec un beau lac, des cygnes, des enfants qui jouent à faire voguer leur bateau, des amoureux qui flânent et au loin la grande ville. L'homme, couché, ferme les yeux et imagine le pittoresque des scènes, tellement les descriptions de son compagnon sont vivantes. C'est ainsi que les jours et les semaines passent. Un matin, l'infirmière trouve le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre. Pendant peu de temps après, l'autre homme demande à occuper le lit près de la fenêtre. Péniblement, le malade se soulève un peu pour jeter un premier coup d'œil dehors. Stupéfait, il découvre que la vue est cachée par un mur. « Comment ? » s'exclame-t-il à l'infirmière. « Où sont passés les paysages que mon compagnon m'a dépeints ?» L'infirmière, un peu étonnée, lui répond. « Votre collègue ne pouvait rien voir. Il était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il seulement voulu vous remonter le moral ?» Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d'autres heureux, en dépit de nos propres épreuves. La peine partagée réduit de moitié la douleur, alors que le bonheur, une fois partagé, s'en trouve doublé. Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter, parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut acheter. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Alors vivez-le et aimez-le pleinement.